Il y a un français, ça? Le français? Ah bah c'est toutes les langues. Eh, hey, mon chéri. Tu veux jouer un peu de guitare? Oui, sinon... Non. Romarie, la salle, c'est la tête. Il va faire un petit feu.